Si vous m'accordez une minute, je vais peut-être en profiter pour avoir une pensée pour Serge Dutheil-Graziani. Je suppose que peut-être tout le monde sait qu'il a été salement amoché et blessé au rassemblement de Sainte-Soline samedi dernier, qui est toujours a priori entre la vie et la mort. Voilà, une pensée de soutien et d'amitié pour ses parents. Jean-Pierre Dutheil, qui est un éditeur anard que nous connaissons bien dans le milieu, et Françoise, sa compagne. Voilà, merci. Bon, ouais, c'est pas drôle et c'est un peu angoissant cette histoire. Donc aujourd'hui, on a quand même le plaisir de recevoir Alessandro. Merci. Et son éditeur, Jean-Francis, qui vont nous parler de Camus. Alessandro était venu il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, nous parler de ce bouquin. Donc on va dire que Alessandro est le, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais un des spécialistes de Camus en Italie. Et ce qui t'intéresse surtout, c'est l'aspect, c'est un peu comme Luma. Oui, disons que ça, on a moi et lui. Donc, tu es le Luma italien. Non, je veux dire que Alessandro italien. Donc, chacun s'intéresse aux aspects libertaires, voire proches de l'anarchisme de Albert Camus. Donc, il est venu nous présenter ce bouquin, il va en reparler peut-être. Et, bon, là. Sa venue, c'est lié à ce bouquin qui est paru l'an passé, je crois. Ouais. Et c'est, bon, je l'ai lu, c'est passionnant, c'est une véritable enquête policière parce que Alessandro a fouillé, bon, il va nous l'expliquer, mais en gros, la presse quand Albert Camus était étudiant, et il a trouvé des textes signés d'un certain Job. Ouais. Et qui, et après, le résultat de l'enquête, c'est que Job est Camus. Sinon, bah, Alessandro est Alessandro écrit aussi, a participé à un colloque sur Gary Davis. Alors il y a quelque temps, on a fait venir Michel Auvray, qui nous avait parlé des Citoyens du Monde, qui a fait ce bouquin avec moi. Enfin, voilà, on l'a fait. Et qui est dedans aussi. Voilà. Donc presse fédéraliste, tu pourras en dire deux mots. Moi, je sais pas. Le fédéralisme, j'ai un peu du mal à comprendre. Je sais que les anarchistes sont fédéralistes, mais après, il y a d'autres gens qui sont fédéralistes. Et est-ce que c'est compatible? Je ne sais pas, tu nous diras. Si tous les fédéralistes peuvent s'entendre ou pas, je ne sais pas. Depuis que de Benoît dit être fédéraliste, non. Eh oui, non, il y a des gens curieux qui se disent fédéralistes, effectivement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre que... Oui, il y a tout ça. Que Alessandro est aussi traducteur de gens intéressants qu'on aime bien. Panettistrati, tu as traduit? Oui, Panettistrati, mais même Colonel Durruti. Oui, Colonel Durruti, ceux qui ne connaissent pas, c'est pas Durruti le militant anarchiste, c'est un pseudonyme pour des polars, série de romans policiers qui ont été signés sous le nom de Colonel Durruti, et je crois que c'est Frémion, non hein? C'est Yves Frémion. Oui. Bon, ça, tu pourras en parler aussi. Il y a plein de choses à parler, donc je vous laisse, je vous laisse la parole, bienvenue. On a du matériel. Et tu viens d'où? Tu es toujours en Italie ou en Belgique? Je suis en fait citoyen du monde, comme tous les anarchistes. J'ai un lieu de naissance, mais les lieux où on meurt, on ne le sait pas. Donc je suis né en Vénétie, et près de Venise. Puis j'ai fait l'université à Bologne, et depuis là, et la Vénise. Et oui, l'Erasmus à Toulouse. Et à partir de là, puis je ne suis plus rentré. C'est-à-dire que après l'université, j'ai travaillé longtemps à Bruxelles. Voilà. Je suis revenu en Italie. J'ai travaillé sur Rome. Et depuis Naples, Rome, je suis resté longtemps sur Naples parce que j'ai trouvé à travailler, à vivre là, entre Rome et Naples. Avec un lien très très étroit avec surtout Bruxelles, mais aussi avec la France pour mes intérêts et mes amis. Et actuellement, je suis surtout donc entre Rome et Naples et Bruxelles et en gros. Donc là, aujourd'hui, tu es venu de quel endroit? Moi, je viens de Naples. De Naples. Et je suis en retard, j'ai arrivé en retard parce qu'il y avait la grève des contrôleurs de vol. Donc, pour un Italien, c'est pas grave d'arriver avec 2 heures de retard. En fait, t'avais une marge, hein, parce que... Si. Donc, non, voilà. Donc, là, je viens de Naples. Et donc, pour vous dire, bon, bref, j'avance encore avec des travaux. Je disais tout à l'heure à Lou qu'on avait commencé à parler un moment de Silone, parce qu'un autre auteur que j'aime beaucoup, c'était un camarade de Camus. Et ça, c'est une chose très intéressante. On en parlera parce que Silone traverse Camus. Donc, il est là, mais il est là aussi. Oui, il est là aussi. Silone. Mais ça aussi, pas. Et donc, non, parce que, en fait, ça, c'est une chose. On en parlera ensuite parce que maintenant, j'ai fait un petit chapeau. Puis. Silone en perspective, je suis en train de faire un travail très approfondi parce que à la fois sur Camus et Silone, mais j'ai fait un recueil de textes qui étaient complètement publiés, mais tout à fait oubliés de Silone, parce que ces gens-là travaillaient dans des revues qui aujourd'hui sont en peine à les trouver. Et donc, je viens d'achever un travail sur des recherches sur les textes de Silone, qui sont extrêmement intéressants, et surtout parce que pour le public français, c'est intéressant Silone, parce que c'est, comment dire, ça peut sembler drôle, bizarre, mais était un maître en pensée pour Camus. C'était 13 ans plus âgé. Et avec un parcours très compliqué et que Camus respectait énormément. Et donc, c'était un peu comme. Pour Silone, était un peu un fils, Camus. Et donc, ces rapports sont très denses. Et ces livres sur Silone, des textes de Silone, feront comprendre différemment aussi Camus. J'ai l'idée. Parce que sont deux parmi les plus grands écrivains du XXe siècle européen, Camus et Silone. Et l'échange entre les deux est extrêmement intéressant. Et voilà, donc on met de l'ordre dans les sujets, Jean-Francis. Mm-hmm. Comment on va procéder? Je n'ai pas la... Attends. Quoi? C'est toi qui le coach. Alors, je peux aussi parler à jukebox, comme un jukebox. Non, mais on va commencer par la question. Par le dernier livre, là. Je peux peut-être répondre à une. Oui. Bon, fédéralisme, très rapidement. C'est comme. C'est tous les mots en isme. Socialisme, t'as à la fois Hitler et. Léon Blum, sur qui on publie un livre qui est sorti hier d'ailleurs, et puis d'autres, nationalisme c'est pareil, marxisme, tu as des trotskistes, des Mao, des postes, des prêts, etc. Bon, fédéralisme, voilà. Moi j'appartiens à un mouvement politique qui s'appelle Union européenne des fédéralistes, qui a été fondé à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, en particulier par trois ou quatre grands militants de la résistance, il y avait Camus d'abord, qui n'a pas été à la fondation de l'UF, mais qui a créé avant, clandestinement à Lyon, il a été l'un des créateurs d'un comité français pour la Fédération européenne en juin 1944. C'est-à-dire quelques semaines avant le départ des Allemands, etc. Altiero Spinelli, qui a été jeune communiste du Latium, qui a été condamné à 20 ans de prison à 17 ans par Mussolini, etc., qui a terminé à la Commission européenne, etc. Eugène Kogon, qui était un démocrate chrétien allemand qui a passé toute la guerre en camp de concentration, et qui a été d'ailleurs après le secrétaire de. Enfin, il a écrit beaucoup sur le nazisme concentrationnaire. Bon, il y avait Kogon, voilà, des gens comme ça. Donc des résistants. Notre idée du fédéralisme, c'est que le fédéralisme a une valeur. La valeur du fédéralisme, c'est la paix universelle. de Kant. Donc, nous, on pense que l'État disparaîtra quand la souveraineté nationale disparaîtra. On ne voit pas comment il peut avoir une société aujourd'hui. Bon, voilà. Alors, on pense, s'intéresse aussi à Proudhon, mais ben, nous, pas tellement. Parce qu'on pense que Proudhon est un peu brouillon et qu'il a publié un peu sur tout, n'importe comment et n'importe quoi. Voilà. Voilà. Donc, on est souvent citoyen du monde. J'avais été citoyen du monde, d'ailleurs, avant d'être fédéraliste. Alors, Presse fédéraliste est une maison associative qui a été créée en 1975. Elle était très proche d'une autre éditeur, un autre éditeur lyonnais qui s'appelait Fédérope, qui a été une des grandes maisons d'édition sorties de 68, on peut dire, où il y avait à Lyon, toute la gauche de la gauche était dans Fédérope. C'était le Maspero lyonnais. On est... voilà. Donc, il y a quelques années, Fédérope a voulu arrêter les collections politiques, nous les avons reprises. Voilà, donc on a 50 ans d'existence cette année. Notez que Fédérope, éditeur de beaucoup de textes en occitan. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, j'ai offert au CIRA, par Philippe, un bouquin qu'on vient de publier en occitan avec l'Institut d'études occitanes du Périgord. Je disais, sur un criminel de guerre, Simon de Montfort. Voilà. Et alors, nos projets, je viens de parler d'un bouquin sur Blum. On travaille beaucoup sur l'idée fédéraliste en européenne dans la résistance. Et donc, on vient de publier un bouquin sur Léon Blum, la résistance socialiste et l'Europe. Et par un imprimeur lundi, un bouquin français qui s'appelle Contre-temps. J'ai vu qu'il y avait une revue à Nard. Ou libertaire qui s'appelait Contre-temps. Ben, à Contre-temps. Oui, à Contre-temps. Ce bouquin s'appelle Contre-temps. C'est l'édition française d'un bouquin qui est paru en occitan à l'IEO en novembre. D'un ami qui est à Presse fédéraliste, mais aussi au Parti occitan. D'accord. Voilà. Donc on continue à publier en occitan. Très bien. Bien. Donc, allez, on pense bientôt. Ouais. On va nous parler de... Oui. On aspire à publier, sinon. Ouais. Oui, j'y arriverai. Donc, comme tu l'avais bien dit, j'étais là il y a 3 ans encore. Non, non. Plus. 4. Waouh, quel temps avant passe. Avant le confinement. Ben, vivement d'être de nouveau là. Et donc, ça, c'était, comment dire, c'est un livre sur Camus que j'ai écrit, il était publié d'abord en Italie par un éditeur qui s'appelle Spartaco, puis j'ai connu... Jean-Francis, qui m'a dit, je veux le publier en italien et en français. Je lui dis, ben alors on le fait comme je le veux, parce que l'éditeur italien m'avait dit coupe, parce que pour de l'épargner, donc j'ai des longues morceaux que j'ai... Donc ici, il y avait tout ce que je voulais faire et je remercie Jean-Francis de m'avoir donné... Rallonge. Oui, l'italien, l'éditeur italien me disait coupe, et lui me dit rallonge, donc c'était très bien. Je pense d'ailleurs que je t'ai fait rallonger sur des choses, je viens d'en parler. Par exemple, tu n'aurais pas forcément parlé du comité français pour la Fédération européenne. Non, non. Ben oui, ça oui. Tu aurais peut-être moins parlé de Gary Davis. De Gary Davis, oui, non, la Fédération européenne est centrale chez Camus. Donc, non, oui. Sur la. Et pas le comité. Le comité, non, j'avais un peu survolé. C'est pas très connu. J'ai bien voulu approfondir et donc, d'autres choses. Mais bon, donc là. C'est une sorte de biographie thématique de ces différents chapitres où, en fait, par chapitre, j'ai comme découpé la vie de Camus par phase de la vie et chaque phase, un combat, quasiment. Donc, la jeunesse, c'était un peu, selon moi, à la base de son idée d'une coexistence possible, parce qu'il a grandi dans un milieu cosmopolite et multiethnique, parce qu'il avait des camarades de jeunesse, il jouait avec des gamins d'origine maltaise, italienne, française, arabe, donc il était vraiment comment dire, prédisposé au melting pot, il avait une prédisposition selon moi anthropologique, comme dirait Pasolini. Et puis le deuxième chapitre, c'est ciblé sur ce que j'appelle les patries fondatrices, c'est-à-dire l'Algérie et l'Espagne, donc l'importance de l'Algérie et de l'Espagne dans Camus. Et puis le troisième chapitre, bien sûr, c'est un regard italien sur l'amitié, l'art et la politique, dans lequel je développe tout ce que Camus a, non tout, j'ai essayé de mettre un cadre sur ce qui était l'Italie pour Camus, parce qu'il faut quand même savoir que c'est le pays où il a plus voyagé dans sa vie. Cioè, quand même, il était au Brésil, aux États-Unis, une fois, il était, bien sûr, l'Algérie, c'était chez lui, deux fois en Grèce, mais en Italie, il était 4-5 fois. Donc, c'est le pays où il a plus voyagé. Et où il avait plus de copains et camarades. Et puis, donc, le quatrième chapitre, et là, on entre dans le carrefour qui est Camus. Parce que le quatrième chapitre, je l'ai appelé « Comme un grain sous la neige, la révolte de l'anarchisme et le socialisme libertaire ». Mais « Comme grain sous la neige » est justement le titre d'un roman d'Ignazio Silone. Et pourquoi j'ai mis comme titre « Sous l'anarchisme et le socialisme libertaire » ces titres-là, « Comme grain sous la neige » Parce que dans sa Camus, dans les manifestes du groupe de liaison internationale, au 50-49, quand il a essayé avec d'autres, avec son milieu, de créer une nouvelle façon de faire politique, non? Quelque chose qui puisse appeler les gouvernements pour libérer des prisonniers politiques, machin. Et dans le manifeste des groupes de liaison internationale, Camus explicitement écrit « Il faut que nous fassions comme les grains sous la neige de Silone ». Voilà. Pourquoi ? Parce que justement, dans son amitié avec Silone, il avait absorbé un peu la vision silonienne de la révolte. Le cinquième chapitre, donc, si vous avez vu donc, la coexistence possible entre ethnies, l'Algérie, l'Espagne, l'Italie, l'anarchisme, le socialisme libertaire, et puis le cinquième chapitre est la même idée qui revient de loin, c'est entre guillemets, Camus, citation de Camus dans la troisième lettre à un ami allemand. Il dit, nous, quand on veut refaire l'Europe selon, pas comme vous, les nazis, vous voulez la faire avec l'imposition, mais d'en bas. Donc la nôtre, c'est une idée qui revient de loin. Et en fait, c'est une allusion au combat fédéraliste qui vient de la Révolution française, jusqu'à la Commune en 1870. Et voilà, donc les fédéralismes européens. Et puis le dernier chapitre, qui est le refus d'obéir à la violence, et c'est le chapitre sur la guerre d'Algérie, qui est son dernier combat, selon moi. Il est mort 2 ans avant l'indépendance. Donc. Et puis, bon, pour conclure cet exposé, le livre se termine avec une interview à Catherine Camus. Et là aussi, mon éditeur l'avait coupé, étant donné que lui, Jean-Francis, heureusement, m'a dit non, mais la intégrale. Et donc j'ai rajouté ce qui était resté dehors. Il a même mis la question sur Brassens. Oui, mon éditeur italien m'avait coupé une question que j'avais posée sur Georges Brassens. Mais bon. Alors là, vous avez vu donc, dans cet exposé que les sujets sont énormes, très vastes, parce qu'à la fois, donc, je suis historien, j'ai une vision de l'histoire et j'ai essayé de placer Camus dans son temps, c'est-à-dire et là c'est une question d'approche aux choses. Souvent je remarque que ici, c'est pas une rapproche mais à la France, mais Camus, ou comme souvent arrive, c'est un écrivain prix Nobel, orgueil national, ok, donc souvent je trouve qu'on a une idée figée de Camus comme si c'est le génie, la tour d'ivoire, Et tout ce qu'il dit, c'est quelque chose qui est autoréférentiel. Par contre, moi, j'essayais de montrer comment Camus était placé dans son siècle et tout ce qu'il a forgé était forgé non dans la solitude, mais avec un camaradisme et avec un milieu extrêmement vaste. Qui a... Et donc, sa pensée était le résultat de quelque chose, de sa recherche humaine, bien sûr, mais qui était placée dans le siècle. Et donc, voilà, j'ai essayé de le montrer en large avec les gens qui l'ont influencé, avec les différentes sensibilités qu'il avait dans les différents... phase qu'il a traversée, parce que donc vous savez, il y a des choses qui semblent nécessaires à 20 ans et à 50 ou à 40 changent, tout devient plus nuancé. Mais bon, alors là c'est l'union des différences. Achever le livre et la vie a continué à, et le travail a pris différents chemins et tout, mais Camus est ma grande passion, donc il faut savoir, donc, je dois arriver entre les deux. Ça c'est le dernier. Et je vous ai parlé déjà de Silone qui est dans ce livre. Ignazio Silone, elle est très présente dans ce livre. Et alors, rentré chez moi, il y a... Là, je peux vous le raconter vraiment comme entre amis. Parce que... C'était quelques jours avant Noël 2020 et j'étais en train donc de travailler à un autre travail qui concerne expressément la relation entre Camus et Silone. Et j'ai trouvé donc la correspondance, je l'ai ramassée, n'est pas énorme. Et justement parce qu'elle n'était pas énorme, mais très significatif, comme m'a dit aussi Catherine Camus, m'a dit quand même, selon moi, il y a beaucoup plus. Et alors là, j'ai commencé à travailler à 360 degrés sur cette correspondance, Camus et Silone. Le projet mère, donc, est celui-là, et il commence à être énorme, je pense que là, je vais l'achever en 2030, si je continue comme ça. Parce que... On publie en 2030. Parce que... Non, franchement, on parle de grands écrivains. Donc, si Camus est un monde énorme, Silone aussi, c'est un autre monde énorme, parce qu'il il est né le 1er mai 1900 et il est mort en 1978. Donc, il a traversé les siècles et les deux sont... Donc, mais les mettre ensemble... a déclenché des choses que j'arrivais à peine à contrôler. Non, vraiment, parce que maîtriser la recherche vaste. Donc, pour retourner, les projets mères donc, deviennent Camus et Silone. Travaillons à Camus et Silone, alors là, je m'approche à ce livre-là. J'étais justement, donc un jour, il y avait un jour, j'étais en train de travailler avant Noël 2020, à Camus et Silone. Et puisque là est cité Camus dans Alger républicain en 1939, écrit une très belle recension du deuxième roman d'Ignazio Silone, qui est Les Manifestes, cioè c'est Les Pains et les Vins. Les Pains et les Vins, le deuxième livre de Silone, autobiographique, en première place, c'est lui qui se montre dans ce. Mais, puisqu'il y a donc trace que Camus a tout lu de Silone, Les Pains et les Vins, avec la recension de 1939, Les Crèmes sous la neige, parce qu'il le cite dans le manifeste des groupes de liaison internationale. Et il se cacha, parce que je ne vous l'explique pas, mais et c'est la seule pièce théâtrale de Silone, et il l'avait adoré. Et tout. Mais, alors là, je voulais faire un pas en arrière. Possible que Camus ne connaissait pas les fondamentales de Silone, c'est-à-dire les romans qui a déclenché. Aujourd'hui est inconnu Silone, mais il était un phénomène mondial. Il était mondialement connu comme l'écrivain qui avait mis en crise le fascisme avec son premier roman, justement, Fontamara, qui en français est son comme source amère. C'est fonte, fonte, source amère, fonte amère, qui relate du village où il a grandi et de la vie mesquine des paysans, les cafonis, les derniers de la terre, et de comment ils étaient exploités. Et c'est un roman qui a eu un succès énorme à l'époque. Et donc je me disais, mais possible que Camus, il n'y a pas de traces sur Fontamara. Bon, et là, est parti l'imprévisible qui a amené à ça. Et pourquoi? Parce que donc, moi j'aime le raconter comme une expérience scientifique. Vous savez que la science est quelque chose qui est un expériment qui est, on peut le dire, parce que c'est, on peut le répéter. Donc, sinon, n'est pas scientifique. Donc, vous pourrez refaire l'expériment. Donc, parce que, justement, je me suis dit, bon, allons voir dans des sites, si, par exemple, Gallica, s'il y a des journaux, des revues de l'époque, proches à Camus, que Camus aurait pu lire des recensions. Peut-être que si je trouve une recension d'un proche de Camus, de Fontamara, je peux peut-être créer des liens. Ouais, j'ai raison. C'est comme ça que raison un chercheur. Et alors là, je tape sur Gallica. Vous pouvez faire les mêmes. Fontamara, Silone, 1935. Et le moteur de recherche me donne 20 pages de résultats. Et je commence à regarder, donc il y a les populaires, l'humanité, les cris du peuple, les Figaro. Et à un moment donné, puisque vous savez que je travaille sur Camus, dans sa jeunesse, avait écrit pour des années, dans 32 à 34, dans la revue étudiante d'Alger, Alger étudiant. À 32 et 34 avec sa signature. Et puis, selon tout ce que m'ont toujours dit les spécialistes de Camus, jusqu'à 36, qu'il était à la fac, il avait continué à travailler, à écrire sur Alger étudiant, mais sous un tas de pseudonymes. Okay? Bon, ça, c'est connu. Camus a écrit là, mais il faut des clés interprétatives pour comprendre les... Pourquoi quelqu'un s'est caché derrière un pseudonyme. Et alors là, moteur de recherche, les résultats, et mon œil tombe, bien sûr, la surprise était énorme, et je le raconte encore avec une surprise, parce que je n'aurais jamais cru d'arriver à quelque chose de si près de Camus, d'avoir l'icône des AG étudiants, et quelque chose dedans sur Fontamara. Et alors je tape dessus. Et je regarde le PDF, je télécharge les numéros des AG étudiants, et il y a dans la revue, dans la page sur les livres, et il y avait une recension de Fontamara signée Job. Et bon, et là c'est notre morceau de la richesse. Je dis waouh, d'abord c'est génial, parce que quand même, je ne m'attendais pas de tomber sur quelque chose de si proche de Camus. Hein. Et j'ai la lis. Et en la lisant, il faut donc savoir que moi, j'ai traduit en italien la recension de 39 sur les pains et les vins, de 3 ans et demi plus tard. Et alors là, des suites, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait les chercheurs, philologues, et j'ai comparé les deux textes. Et la comparaison des deux textes m'a amené à trouver des ressemblances évidentes, mais tellement évidentes que je ne pouvais pas les ignorer, sinon... Si je l'aurais ignoré, j'aurais fait honte à moi. C'est-à-dire, tu vois, parce que moi je dis, non, c'est pas possible que c'est lui. Mais à la fois, si je suis convaincu, pourquoi je dois pas le dire? Non? Parce que sinon, c'est comme si couper quelque chose. Parce que si vous trouvez, par exemple, un texte de Camus, de 39, sur les pains et les vins, qui dit... Voilà, attendez un moment, parce que comme ça... alors, il y a des ressemblances sur l'incipit, au départ, où on répète avec des mots légèrement différents, des mêmes idées. Mais surtout, pour ne pas vous ennuyer, la chose plus étonnante pour moi, c'était la phrase qui clôt. des clôtures. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être un hasard. C'est-à-dire, Camus, dans cette recension, Job dans la recension de Fontamara, la termine, disons, et ce n'est pas un moindre charme que ces courriers mélangent. Parce que les mots, il faut les répéter. Hein. Et ce n'est pas un moindre charme que ces courriers mélangent. Ce n'est pas au moindre charme que ce que je mélange. Camus, en 39 sur le pain et le vin, termine la recension et ce n'est pas sa moindre grandeur que de nous en citer. C'est-à-dire, je relis, et ce n'est pas au moindre charme que ce que je mélange, et ce n'est pas sa moindre grandeur que de nous en citer, et puis ça continue de façon plus développée. Mais moi, dans ma petitesse de traducteur de français à l'italien, je voudrais vous dire que cette tournée des phrases, tour des phrases, et ce n'est pas sa moindre grandeur que de. Et ce n'est pas ce moindre grandeur qu'aider nous. Tu sais, c'est la même chose, c'est le même tour de phrase. Et je ne l'ai pas trouvé souvent, mais vraiment pas du tout souvent. Tu sais, ce n'est pas une tournée de phrase rarissime, mais n'est pas non plus si fréquente. Et bon, donc, je devais accepter que quand même, c'était effectivement, il y avait des ressemblances philologiques. Et alors là, on est déjà là, et je peux faire comme ça, et me concentrer sur les livres. Donc, étonné par avoir trouvé quelque chose dans Gétudion, par avoir trouvé quelque chose, Camus était là, parce que la recension est de 28 février 35. Camus fait soutient son mémoire en mai 36. Donc, il était étudiant encore là. Et donc, il était dans cette phase où il écrivait sous pseudonyme. Et qu'est-ce qu'il fallait faire pour avancer? Bon, tout de suite, j'ai dit, OK, d'abord, il y avait deux pistes à suivre. D'abord, comprendre pourquoi Camus aurait dû s'appeler Job. Et la deuxième était, voyons s'il y a d'autres textes signés Job. Donc, d'abord, j'ai trouvé en total, donc, sur Gallica, j'ai fait, à ce point-là, j'étudiais Job et j'ai trouvé cinq. Il y a donc cinq recensions signées Job. Et les hasards que je trouve très beaux est que la première recension était effectivement celle sur Fontamara. Février 35, c'est la première recension de Job. Puis il y a, dans les numéros suivants, entre février et avril 35, il y a donc... Et là, donc... Là, depuis, c'est devenu un plaisir, parce que j'ai perdu les nuits, j'ai même perdu mon boulot de prof. Non, je blague. Mais le jour, j'enseignais l'italien, et la nuit, j'ai lu le français, j'étais en train de flipper. Donc, la deuxième recension donc, des jobs était, et là, c'est quelque chose d'encore plus étonnant, que la première pièce de Camus, c'était quoi ? Révolte dans les Asturies. Oui, mais n'était pas représenté. Et c'est-à-dire que la première est Caligula, une des premières, non, la deuxième peut-être. Bon, bref, la première version achevée de Caligula est du 37. Ouais. Et donc, la deuxième recension de Job, c'est sur un livre d'Abel Armand. Une biographie de Poppée titrée Poppée ou l'amant de l'Antéchrist. Mais bon, et je vais faire un petit cours de répétition d'histoire romaine. Poppée, l'amant de l'Antéchrist. L'Antéchrist était Néron. Donc Poppée était la femme de Néron. Néron était le frère de Caligula. Et Camus était longuement charmé par Néron. C'est-à-dire qu'il avait même douté de choisir Néron ou Caligula. Mais il a choisi Caligula, bien sûr, parce qu'il a toutes ses raisons pour choisir Caligula. Mais donc, vous voyez qu'en mars 35, donc, il y a cette recension de Caligula, de Poppée et l'amant de Néron, que je l'ai lu, et on cite aussi Caligula, et il reconstruit Abel Armand toute l'ambiance, il reconstruit surtout la thématique religieuse. Les passages du polythéisme au christianisme, avec la présence des juifs à Rome. C'est un livre que Camus aurait bien sûr aimé, surtout qu'il venait il y a quelques mois avant, il faut toujours passer en mars 35, en hiver 34, il avait suivi d'où les cours sur l'histoire romaine. Il venait de le suivre. Et donc, c'était, comme on dit chez nous, c'était pain pour ses dents. C'était du pain pour ses dents. Parce que c'était justement intéressé à l'histoire romaine et il était dans la démarche pour arriver. Il était intéressé au théâtre. Abel Armante, d'ailleurs, dans le livre, rappelle toujours comment sont intéressants ces personnages-là. Pourquoi ? Parce qu'ils sont représentables théâtralement aujourd'hui. Parce qu'il disait, Abel Armante, dans ses livres sur Popée, que les dictateurs de cet âge romain sont très proches de nos contemporains. Et alors là, donc, si vous mettez ensemble Fontamara, Popée, la mort de l'Antéchrist, les troisièmes recensions signées Job est justement quelque chose qui, par contre, nous renvoie aux intérêts hispanisants de Camus, parce que c'est un livre sur Salazar, le dictateur portugais. Et d'ailleurs, je suis allé vérifier aussi les livres en soi. Les livres en soi est un livre écrit par Antonio Ferro, qui était le biographe de Salazar. Mais pourquoi aurait pu être intéressant pour Camus un livre sur Salazar, écrit par le biographe officiel de Salazar? Parce qu'en préface, il y avait la préface de Paul Valéry, avec un essai sur la dictature. Et un sujet extrêmement important pour Camus à ce moment-là, la réflexion sur le pouvoir. Et comment dire, donc, une autre chose à noter est que soit sur Fontamara, la réception de Fontamara, et soit sur la réception de Salazar, Job ne peut pas s'empêcher de parler d'Espagne. Et ça aussi, ça m'a fait penser, parce que il était mi-espagnol, donc pourquoi mettre une comparaison entre les paysans italiens et espagnols dans Fontamara? Pourquoi parler d'Espagne si tu parles de Salazar? Ouais. Et pourquoi probablement Job avait affaire avec l'Espagne? Et donc, on avance. Fontamara, Popée, l'amant de l'Antéchrist, Salazar sous le Portugal, et puis les deux dernières recensions. On arrive à, attention, sont sur les trois numéros, parce qu'il y a Fontamara dans un numéro, deux recensions sur le numéro suivant et deux recensions sur cinq recensions sur trois numéros. Les deux dernières ont une chose en commun, la culture africaine ou noire, si on veut, parce que les dernières recensions, justement, c'est Les Flambeurs d'hommes de Marcel Griol et Quartier noir de Claude McKay, titre originel Home to Harlem. Et donc, analysons les deux. Les Flambeurs d'hommes de Marcel Griol, c'est donc le livre d'un anthropologue qui relate de son voyage en Abyssinie. Et là, donc, c'est le récit est dans un contexte quasiment fiévreux, parce qu'on est en Abyssinie, l'expédition se déroule dans une ambiance quasiment délirante. C'est la connotation du livre est un peu ça. Et il parle beaucoup des habitudes des Abyssins, tout ça, machin. Mais faisons donc une analyse sur Griol dans la presse de l'époque et tout ça, et bien sûr en lisant les livres. Hein? Bref, Marcel Griol était proche de Jean Paulhan, qui était camarade de son prof Jean Grenier, et l'auteur de l'Afrique fantôme, L'Iris. Voilà, L'Iris, Jean Grenier, Jean Paulhan étaient tout au milieu. Et Griol était à côté. Et Griol était aussi important parce que, ça je l'ai découvert, ça du gros monde, et était ami de Picasso. Cioè, à Marseille, quand Griol rentre, fait la mission en Afrique, Puis il gagne à Alger. Et Griol avait son quartier général à Alger. Il était un personnage à la une à Alger à l'époque, Marcel Griol. Et c'était son quartier général. Et par exemple, quand il est retourné en France via Marseille, il y avait Picasso qui allait le chercher parce que justement, les masques d'Ogon sur lesquels travaillait Picasso étaient justement par son ami Griol, entre autres. Que... Voilà. Donc, dernière chose sur Marcel Griol, il était un spécialiste de... Comment dire, de comment les Abyssins, les Éthiopiens et Éthiopiens affrontaient la peste bovine. Et voilà. Donc, c'est peut-être un hasard ou pas, mais je suis allé vérifier dans la peste. Et là, dans la peste, c'est d'abord, on cite Job. Et dans la même page où on cite Job, on cite la peste chez les Abyssins. Voilà. Et je termine les 5 livres et puis j'avance parce que sinon il y a beaucoup à dire. Et le 5e livre, c'est de Claude McKay, Quartier Noir. Quartier Noir, donc c'est le titre, c'est Harlem. Et en fait, le titre originel, c'est Home to Harlem. Et la chose intéressante est que, bon, là, on peut rappeler que l'auteur Claude McKay, Marseille était une ville importante, Claude McKay, Banjo, c'est là, et comme pour rappel. Et notamment, les livres Quartier Noir, pour quelqu'un qui aime Camus et qui l'a étudié et tout, la première chose qui m'a frappé était que les livres a été traduit par Louis Guillou. Louis Guillou était comme c'était un frère de Jean Grenier. Donc Camus connaissait très bien l'œuvre de Guillou en 1935. Il faut toujours, pour faire la recherche, placer dans le temps. À ce moment-là que Job écrivait ça, et Camus était déjà un estimateur de Guillou, de son œuvre littéraire. Et alors je me dis, pourquoi pas. Camus était aussi quelqu'un de curieux et connaissait très bien l'importance du travail des traducteurs. Il s'est même mesuré avec le travail des traducteurs. Et alors, pourquoi pas? Peut-être qu'il avait... Là, on est encore dans les peut-être. Parce que j'ai l'habitude à jamais rien donner. Mais donc, le 5e livre est celui-là, traduit par Louis Guillou. Cher ami de Jean Grenier. Et donc, est-ce que Camus pouvait ignorer tout ça? Moi, je crois que non. Mais alors là, puisque la vie est faite de plein de choses et non seulement de livres, et Camus était un irrégulier de la culture, c'est-à-dire n'était pas une souris des bibliothèques. Et donc, et à 20 ans surtout, il n'était pas seulement... la culture était son émancipation. Mais je veux dire, il était quelqu'un de très vivant et surtout, ça vous expliquera le titre, « Souffrant et fumeur ». Parce que juste, maintenant on y arrive. Fumeur, pourquoi? Souffrant, je l'ai mis parce qu'il était malade avec la tuberculose, mais surtout il était aussi fumeur. Et dans la recherche... J'ai développé la branche livre. Maintenant, je dois comprendre Job. Voilà. Non, ouais, c'était un travail quand même assez complexe. Ce qui est assez génial dans ton bouquin, c'est que les 5 recensions, elles font 10 lignes chacune, quoi. Ouais. Et à partir de là, tu fais, t'as une enquête policière et tu peux faire un livre. Et je suppose que tu avais beaucoup plus à dire... En t'entendant que ce qu'il y a dans le livre. Non, mais en fait, oui, parce que ça, c'est... En fait, c'est justement là, j'y arriverai. Et en fait, ça, c'est... Maintenant, je le regarde comme une première étape. Parce que maintenant, je suis en train d'aboutir à un véritable livre qui tranche. Parce que Job est Camus, c'est lui qui a écrit ce texte. Et pourquoi donc « Souffrant et fumeur » dans le titre, vous pourrez dire? Parce que dans ma recherche fanatique, je suis à mon tour fumeur, et une des premières choses que je me suis dit, alors, D'abord, je vous avoue qu'en tant qu'anarchiste, avec un rapport différent, bizarre avec la religion, je ne voulais pas m'arrendre que Job était important chez Camus. C'est-à-dire que, non, de quelque chose de profond de moi, je m'ai poussé à chercher d'autres chemins. C'est-à-dire, Job aurait pu être un petit Job, un travail en anglais. Un job. Un job. Oui. Mais... Elle... ça aurait pu être un petit job. Mais la chose qui m'a vraiment fulminé, parce que je suis quelqu'un qui se laisse fulminer par les idées, c'est qu'en fait, Job était une cigarette et des papiers à cigarette à Alger. C'était la cigarette d'Alger. Mais je ne suis pas un vendeur de casseroles. Hein. Mais quand même, regardez, monsieur, Job était la cigarette d'Alger. Avec du tabac algérien et faisait aussi des papiers à rouler et des cigarettes. Avec. Tchè, c'est là, tabac d'Alger. Et donc, on avait la revue Alger étudiant avec un élève qui est fumeur. Qui. Et alors là, donc, bon, voilà. Mais il était aussi souffrant. Donc, à un moment donné, j'ai dû aussi m'arrêter de déconner et j'ai dit non, probablement Job est vraiment important. Surtout parce que je l'avais trouvé dans la conférence La crise de l'homme. Je l'avais trouvé dans La peste. Et alors j'ai dit non, non, non, non, ne déconne pas. Et travaille sérieusement sur Job. Et là, il faut dire que. Donc, alors là, comme on dit, les contes, on s'en retourne. I conti tornano, tout était clair. Tout était clair à ce moment-là, parce que Job, moi j'ai dû le découvrir en français, j'ai jamais lu la Bible de ma vie. Mais alors là, j'ai dû dire, ok, j'ai fait l'effort, j'ai lu le livre de Job. J'ai lu le livre de Job, j'ai commencé à me renseigner de tout ça, et j'ai découvert qu'en fait, oui, oui. Parce qu'en en français, il y a même l'expression « pauvre comme Job oui. ». Et j'ai découvert qu'il y a des différences énormes même dans la religion chrétienne. Parce que nous, en Italie, catholique, on a la version gréco-romaine de la Bible qui a été traduite dans... Et donc Job est synonyme de supportation, patience. Et je supporte, et oui, je supporte. Tandis que les protestants qui ont traduit la Bible à partir du juif, eh bien, Job est tellement différent. Job est l'homme révolté. Cioè, même, il y a un pasteur protestant, qui est Roland de Pourri, qui, de Camus vivant, en 1955, a publié un livre qui s'appelle « Job ou l'homme le révolté ». Mais c'est bien sûr. Et j'ai découvert, en fait, que Job a des renvois énormes et qui était le symbole des libres penseurs aussi, non seulement des religieux. Il était quelqu'un, cioè, le livre de Job a inspiré d'ailleurs, par exemple, on a dit que Camus, tout le monde sait que son philosophe de référence, fait découvrir l'existentialisme à Camus. Donc de Camus a été foudroyé par l'existentialisme. Puis il a changé. Mais le jeune Camus était foudroyé par Léon Tchestov, son philosophe, les philosophes existentialistes qu'il a introduit à l'existentialisme. Et justement Léon Tchestov, un philosophe russe qui est justement avait Job comme alter ego philosophique. Léon Tchestov, si vous allez regarder en 29 les tomes les plus grands de son œuvre, qui rassemble La nuit des Gethsemane, les d'autres écrits, s'appelle Sur la balance de Job. Donc les éléments commençaient à être vraiment beaucoup. C'est ce qu'il y avait. Donc, Job, la cigarette d'Alger. Il y avait Léon Tchestov avec son alter ego philosophique Job. Et donc Léon Tchestov c'était justement étudié par Camus 33-34. C'était un peu les mythes philosophiques de Camus. Donc, et la cigarette, et Léon Tchestov. Et alors là, j'ai dû faire des pas en avant. Et j'ai dû faire l'effort le plus grand, c'est-à-dire lire les mémoires de Camus sur la métaphysique chrétienne. Soutenu en mai 36. Mais pour quelqu'un qui n'a pas une éducation religieuse, c'est quand même, ça a été un effort. Et, non, je blague aussi, hein, parce que dans la vie, il faut quand même... On fait des choses sérieuses, mais au moins. À ce point-là, je suis retourné sur le livre pour travailler sur le livre et voir si Camus, ou qu'est-ce qu'il aurait pu tirer de ce livre. Bon, rien que sur Fontamara, dans le véritable livre, c'est encore plus clair. Mais j'ai découvert des choses que je ne savais pas, très importantes, sur les débuts de l'antifascisme de Camus. Parce que... justement, les livres sont en 1933, mais Silone était déjà un peu en cas. Donc, vous voyez le milieu antifasciste d'Amsterdam, Pléial, les mouvements, vous ne savez pas. Alors, si vous voulez, je pars de l'ABC, parce que c'est très fascinant. Je peux même me limiter à Fontamara, parce que donc... Camus s'approche à l'antifascisme en 1932-1933, mais donc il est sympathisant communiste, mais il n'est pas véritablement communiste, il est plutôt antifasciste que communiste, Camus. Et donc, avant d'adhérer au Parti communiste, il y a deux écrivains français qu'ensuite, à la répression fasciste en Italie, monte un mouvement qui s'appelle Amsterdam Pléial. Parce que c'est Pléial. Mais moi, je préfère le nom qu'à l'époque. Le mouvement était connu aussi avec le nom de Pain et Liberté. Moi, je préfère... Je ne sais pas pourquoi ensuite on l'appelle Amsterdam Pléial, mais à l'époque, était connu comme le mouvement Pain et Liberté, fondé par Romain Rolland et Henri Barbus. Mais il y a quelque chose en plus encore, parce que Silone, le grand drame de sa vie est que donc, lui, il était militant. Silone était un des fondateurs du Parti communiste avec Gramsci. Et puis il s'est sorti avec une crise existentielle énorme. Mais pour le dire bref, en 28, la police fasciste a arrêté les frères de Silone, les plus jeunes. Silone était sans famille parce qu'il y a eu un tremblement de terre qui a tué toute sa famille quand il avait 15 ans. Orphelin, il n'avait qu'un frère, Romolo. Et lui, donc, il était quand même un révolutionnaire de profession. Donc, il voyageait partout dans en Europe par les comptes du parti, sous faux nom, dans la clandestinité. Et à un moment donné, la police, pour le chanter, a arrêté son frère avec un prétexte. En 28. Et lui proposant de collaborer, sinon il aurait vu son frère tué. Et il faut dire qu'à partir de là, commence la campagne, puisqu'il était quelqu'un dans le mouvement communiste international, Silone. Donc c'est pour ça, l'humanité, il écrivait sur l'humanité. En 24, 26, 27, Silone écrivait dans l'humanité. Donc l'humanité, et ça je l'ai trouvé aussi dans Gallica, qui est mon... ma chaîne préférée, et il y a, en 28, il y a vraiment une première page, c'est que Romolo Tranquille, la photo, ils ont arrêté, donc on ne dit pas les frères de Silone, mais donc on fait tout le mouvement de soutien, parce qu'il est arrêté avec une accusation folle, et donc on commence à faire un mouvement de soutien, et donc c'est après ce cas-là qui naît le mouvement Pain et Liberté. Et donc, dans les cercles de Pain et Liberté, les cas étaient l'exemple à porter de comment le fascisme traite les oppositeurs. Donc, vous voyez, dans chaque siège. Et Camus fréquentait justement le siège d'Alger, et qui était fréquenté par des antifascistes italiens aussi. Et voilà, donc on est en 1933. Et là, faisant ce travail, je découvre plein de choses, même j'apprends des choses sur l'histoire de France. Et donc, je suis venu donc, à connaissance, je ne savais pas avant, les événements de février 1934. Les événements sont terribles. Donc, une sorte, entre guillemets, de marche sur Rome faillite par la droite française, avec une grève générale ensuite de la gauche. Et 9 militants communistes morts, on est en février 34. Et c'est justement là que Camus adhère au mouvement, après les événements de février 34. Et voilà. Et donc, la recension tombe en février 35. Et alors là, on peut affirmer avec certitude que tout ça, Camus le savait, et sinon il n'aurait pas fréquenté le siège de Pain et Liberté, où il y avait sept cas qui étaient en envergure, où c'était très connu, parce que l'auteur de Fontamara, sorti en 1933, sorti en 1934 en France, était le monsieur qui avait vu tuer son frère en prison. Ça, c'était à la base d'un tout pour les mouvements. Et bon, et donc on peut arriver en 30, donc en 32, le frère de Silone est tué, parce qu'évidemment, Silone, bien sûr, s'il a donné à penser qu'il avait collaboré, probablement il n'avait pas bien fait, et les fascistes ont tué son frère. En 33, la réponse de Silone est la sortie de Fontamara, qui devient les grands livres antifascistes. Donc la revanche de Silone est littéraire vis-à-vis du fascisme, parce que les plus grands dommages de propagande faits au fascisme sont les livres de Silone, encore aujourd'hui. Et en 1933, en France, Fontamara sort en 1934, et il y a deux façons. Il est sorti d'abord en feuilleton, et entre mars et août 1934, dans la revue Europe. Et bon, alors là, faisons une petite enquête pour la revue Europe, et je découvre que Jean Grenier écrivait dans Europe à ce moment-là. Je découvre que Louis Guilloux, que Camus aimait beaucoup, écrivait aussi dans la revue Europe. C'était tout au milieu de gauche, que la revue Europe était l'éditeur, c'est-à-dire la maison d'édition qui a publié en novembre 1934 Fontamara, était l'éditeur de la revue aussi. Donc Europe et l'éditeur Rieder sont la même chose. Et voilà, donc Camus avait accès à la revue Europe, bien sûr que oui, et Camus lisait les livres de Rieder, bien sûr que oui, et il avait plusieurs possibilités de parler de Fontamara avec les gens de Mouvement, Amsterdam Pléiade, Émile Pédula, le directeur du siège d'Alger, était italien, Pédula. Donc il y avait tellement de choses qui allaient dans le sens. Et ça, c'est seulement pour Fontamara. Et puis, faisons la recherche approfondie pour le reste. Dans chacun des livres, il y a des choses qui renvoient fortement à Camus. Et voilà. Donc, je me suis, comment dire, comme je vous avais dit au point de départ, ça c'est un peu, comment dire, un pamphlet. Je le vois aujourd'hui comme un pamphlet, parce qu'aujourd'hui, je peux vous suggérer une promesse. Je peux vous demander une promesse. C'est la deuxième fois que je viens là. Si j'arrive à faire le véritable Camus et Job, je vous m'invite une troisième. Non, parce que. Donc, parce que là, je dois vraiment. Il y a beaucoup plus, mais je ne peux pas vous raconter. Si tu le fais, tu me le promets. C'est-à-dire que, puis je suis quelqu'un aussi qui n'est pas systématique. Donc je découvre les choses à la fois, à fur et à mesure. Là, j'ai comme si j'ai entrouvert la porte, je vous montre les cinq textes de Job, je vous dis qu'il y a Sestof, Silone, mais j'ai découvert tellement de choses en poursuivant la recherche, qui est écrasante. C'est écrasante parce que Job, bon, là, on le trouve, je vous ai dit, dans la crise de l'homme, mais dans la peste aussi. Et il est cité aussi dans les mémoires de Camus. Beaucoup, parce que, il y a même. J'ai fait un petit jeu aussi, que je dois trouver. Parce que dans les mémoires de Camus, en fait, il y a. Qu'est-ce que tu appelles les mémoires de Camus ? C'est le premier homme ou non ? Les mémoires, c'est ce qu'on appelle en italien thèse, le travail final universitaire. Ah, le mémoire, là oui, pardon. Oui, oui, le mémoire. Oui, parfois moi j'ai. Les mâches, les mots. Et donc, par exemple. C'était sur quel sujet son mémoire universitaire ? Ah, c'était métaphysique chrétienne entre Plotin et Saint Augustin. C'était quelque chose assez pélevin. Mais non, c'était vachement intéressant de le faire quand même, l'effort, hein, parce que c'était vraiment intéressant. Parce que, et alors là, donc, Job est à l'incipit de mémoire et il est cité. Et avec un renvoi au verset de Job, qu'en total, on trouve 11. Oui, toute une série. 1, 2, 3, 4. Oui, plus que 10 versets de Job cités. Et donc, disons que Job traverse les mémoires de Camus. Job traverse les mémoires de Camus, qui est soutenu justement un an avant les articles signés Job. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas. Quand tu commences à faire. Parce que je vous avoue que je suis un passionné de Colombo. Je ne sais pas si vous connaissez Colombo. Oui. L'inspecteur Colombo. Moi, je me suis senti un peu Colombo. Parce que c'est en fait. C'est un peu un procès par indice. C'est la même méthode. Hein? C'est la même méthode. C'est la même méthode. Parce que c'est en fait. Il fallait démontrer quelque chose avec un collier de pierre. Et... Mais heureusement, au niveau des yeux, tu n'es pas pareil. Et tu as une compagne pour lui donner tes hypothèses ? Quoi ? Est-ce que tu as une compagne pour dire j'en parlerai à ma femme parce que dans Colombo il dit toujours je vais en parler à ma femme. Oui, je vais parler. Ah bon, je peux le dire. Je peux le dire. Non, attendez, oui. Je me perds un moment. Et comment dire, et donc, les mémoires. Waouh! Ça, c'est pour remonter. Tu parles beaucoup. Ouais, je suis pas mal. C'est très bien, très bien, très bien. Et si je vais hors sujet, il faut me le dire. Non, non, non, tout va bien. Et bon, alors je peux même rompre la digue et parler un peu de un ou deux aspects que j'ai trouvé. Donc, si dans ce livre-là j'avais juste lu la mémoire, les mémoires, et dans la suite de mon travail, je suis allé voir tous les auteurs pour lesquels Camus aimait à ce moment-là. Et j'ai dit, systématiquement. Et j'ai vu que Tchestov, c'est un peu la clé. Parce que Tchestov lui fait connaître Kierkegaard, par exemple. Et alors là, je suis allé investiguer Kierkegaard. Kierkegaard est bourré de Job. c'est la répétition de Kierkegaard est sur Job. Et Tchestov, Léon Tchestov, dans ses essais, Léon Tchestov parle beaucoup de Job sur Kierkegaard par rapport à Kierkegaard. Et donc la répétition de Kierkegaard est sur Job. Et si vous faisiez un effort, toi que je vois que tu connais Kierkegaard, hein? Voilà. Et si tu penses à Sisyphe, qu'est-ce qu'il fait? Mais il répète ou pas? Ben oui, donc si la répétition, c'est la répétition de Kierkegaard avec Job, ben, c'est un autre mythe, mais c'est quelque chose que Camus a gardé, l'idée. D'ailleurs, c'est le concept de la philosophie grecque, la répétition. Et donc, ça va très loin, Job, chez Camus. Ça va, parce qu'il y a Tchestov, il y a Kierkegaard, mais il y a Dostoïevski aussi. Dostoïevski aussi, dans Les Frères Karamazov, qui était un livre important pour lui à ce moment-là. Job est important. Chez Tchestov, chez Kierkegaard, c'est Dostoïevski. André Gide, l'immoraliste, commence dans les prologues avec, ben, on se retrouve là, on est comme les trois amis qui vont trouver Job. C'est vraiment, je le dis, Gide, dans la préface, à l'immoraliste. Et Gide, c'est quelqu'un que Camus l'avait... Camus écrit en 36, j'ai tout lu Gide en 33. Donc, il a eu même, donc, selon moi, Job, c'est quelqu'un, finalement, et ça sont les conclusions auxquelles j'arrive, pas là, mais dans la suite. Job, c'est vraiment un modèle de référence pour Camus. D'abord, il était pauvre comme Job, mais il était aussi, à un moment donné, malade comme Job. Et il avait donc et en plus il avait la rage de Job, parce que Job voulait s'en sortir. Il était quelqu'un qui n'était pas du tout patient. Il s'est fâché avec ses amis, il s'est fâché avec Dieu, parce qu'il voulait savoir, il voulait. Et c'était l'homme révolté. C'était l'homme, c'est les prototypes de l'homme révolté est Job. Et donc si on met en fil les modèles qui trouve Camus sur Job, c'est là je dis ça, c'est comme ouvrir le vase de Pandora, parce que Job est bien sûr d'abord il est d'abord dans les livres de Job de la Bible, donc il est d'abord dans la Bible, puis il est l'alter ego philosophique de Léon Tchestov, puis il est quelqu'un Job qui est dans Kierkegaard, mais aussi dans André Gide, dans Dostoïevski. Ça commence à être beaucoup. Tous des auteurs de référence de Camus. Hein? Et donc, là, dans le travail qui viendra, j'ai mis en ordre vraiment un état de connaissance beaucoup plus large. La chose la plus surprenante est que je vous ai dit de l'effort que j'ai fait de lire toutes ces choses religieuses. Non? Mais c'était pas, j'ai pas encore du tout. D'abord la surprise de ma mère de me dire ah 50 ans tu vas lire la Bible. Ça c'était vraiment quelque chose. Et puis non c'est vrai, elle n'aurait jamais cru de sa vie de me voir lire la Bible. C'est un livre de référence, hein, c'est comme un dictionnaire. Oui, oui. Mais il y a plus, parce qu'à un moment donné, hein, faisons la mémoire, analysons la mémoire de Camus de 30 mai 36. Je tombe sur le chapitre de Saint Augustin et je me suis dit bon à un moment donné alors je dois commencer à lire peut-être même Saint Augustin. je l'ai fait, c'est-à-dire j'ai pas tout lu mais j'ai vu alors les livres qui Camus avait étudié les plus, ils étaient deux, La Cité des Dieux et Les Confessions. Et là j'ai compris aussi pourquoi Camus aimait Saint Augustin. C'était un Algérien près d'Annaba. Ouais. Mais surtout, d'abord, il était Algérien. Donc, c'était le premier évêque algérien. Et africain. Mais, et donc là, je découvre que Job est fondamental chez Saint Augustin aussi. À pas les croire. Dans les deux livres principaux que Camus avait étudiés, Les Confessions, d'abord, alors, il faut dire que Les Confessions, c'est dans la littérature mondiale, c'est considéré les premiers carnets. Journal intime de la littérature mondiale. Les Confessions de Saint-Augustin, c'est considéré le premier journal intime de la littérature mondiale. Et c'est même très beau à lire, parce que Saint Augustin n'avait pas peur de se confesser. Donc, il raconte vraiment qu'il était un crapule quand il était jeune. Et il avait fait plein de choses là-bas. Et après, à un moment donné, il a eu la foi, machin. Mais il raconte toute sa jeunesse, vraiment, d'un crapule. Et il y a Job dedans. Mais la chose, et là, je m'arrête, parce que peut-être... J'espère que vous aurez des questions. Et je vais rester avec Saint Augustin, vous disant que, alors, parce que tout se croise un peu, non? Tu vois, quand il y a, on est à la source d'une pensée. En fait, dans la cité de Dieu, de Saint Augustin, je vous explique qu'est-ce que c'est la cité de Dieu. C'est une sorte d'essai historique où Saint Augustin reconstruit l'histoire ancienne, les Babylonais, les Grecs, les Romains, machin, sous la lumière de la philosophie chrétienne. Voilà. Donc, pourquoi ils ont fait ça? Eh bien, alors là, mais ils ne savaient pas que Dieu, machin. Et à un moment donné, hein, la chose que je trouve, et là je m'arrête parce que je vous donne un déclic, et puis à chacun. Donc, vous savez que donc, Camus, là, il faut mettre les points sur les i, comme on dit. C'est-à-dire, Camus, qui est justement agnostique, avec une vision très rigoureuse sur la religion, il était quand même, la source de sa pensée était vachement pénétrée de ça, de mythologies religieuses, disons. Et la chose importante est, alors, les mythes décisifs, non, s'ouvrent avec les problèmes les plus importants, c'est le suicide. Eh bien, dans la cité des dieux de Saint Augustin, et Saint Augustin nous met en garde constamment contre les suicides, monsieur. Et surtout, à un moment donné, l'un des maximes les plus célèbres de Saint Augustin, j'ai découvert qu'un des maximes les plus connus à niveau vulgarisation, c'est justement sur le suicide, où dans l'histoire, racontant l'histoire romaine dans la cité des dieux, il dit, on arrive à Giulio Cesare et César. Et il dit à un moment donné, donc il y a Caton était adversaire à César, et donc il se suicide. Caton se suicide pour déplaire à César. Et Saint Augustin, la maxime de Saint Augustin commence comme ça. Nos adversaires voudrait que nous faisons comme Caton, qui s'est tué pour déplaire à César. Mais nous, on doit faire le contraire. On doit suivre l'exemple de Job, qui, malgré toutes ses souffrances et les maladies, machin, n'a jamais pensé de se tuer et de s'enlever la vie. Voilà. Et ça, pour quelqu'un qui a étudié Job pour Saint Augustin, pour son mémoire universitaire, de telle manière, bien sûr que je trouve une liaison, un développement, parce qu'on ne refait pas jamais tel quel, on développe une pensée. Mais, certainement, bien sûr que je vois une lignée qui va de son mémoire au mythe décisif. Parce que, voilà, n'oublions pas qu'on parle d'existentialisme chrétien. Parce que, et c'est ça la chose bizarre que je voulais dire tout à l'heure, parce que moi, je mélange les trucs. La chose intéressante à souligner est que... La chose intéressante à souligner est que Camus, agnostique, avec tous ses doutes sur la religion, se forge la pensée sur l'existentialisme chrétien. Et non sur l'existentialisme agnostique ou athée. Même du moment que, aux années, vers la fin des années 30, début 40, Et il entre en contact avec le monde de l'existentialisme athée. Il s'en éloigne de l'existentialisme. Et puis seulement ensuite, aux années 50, vous allez trouver encore des déclarations, des interviews de Camus. Il a dit oui, non, ça, en tout cas, moi, je suis fidèle aux prémices de l'existentialisme, non à celui athée. Donc, malgré tout, il avoue que quand même encore, il croyait à quelque chose qui avait affaire à l'existentialisme religieux, chrétien. Tandis que dans l'existentialisme athée, il voyait les prodromes pour le totalitarisme. Voilà. Ça, c'est... ça, aux années 50. Hein. Mais donc, il a eu, dans la pendule de Camus, il a grandi dans l'existentialisme. Il s'est forgé la pensée dans l'existentialisme chrétien. Il s'en est éloigné. Il a refusé l'existentialisme athée. Mais... à un moment, dans sa maturité, il a dit, bon, moi, je ne renie pas du tout l'existentialisme de Tchestov, pour nous dire. Voilà. Et donc, c'est très curieux, tout ça. Et... voilà. Et donc, voilà, les titres, et comme ça, expliqué. Souffrant, parce qu'il était souffrant de... Grazie. Je parte, mais merci énormément, c'est passionnant. C'est incroyable, c'est toute une histoire scientifique en même temps. Ben oui, c'est la recherche. Mais après, il ne faut surtout pas que vous trouviez un autre pseudonyme qu'il aurait utilisé. Quoi ? Si tu trouves un autre pseudonyme qu'il a utilisé, ouais. C'est la fin là. Tu ne vas jamais t'en sortir. Non, tu as raison. Ouais. Il faut arrêter. Merci beaucoup, ah ouais, en tout cas. Merci à toi. Rizla. Ouais, si tu trouves des articles signés Rizla ou Gitane ou Gauloise, là, c'est la fin. Objecteur de conscience. Il a signé Objecteur de conscience. Ah oui, d'accord. C'était assez... C'est ouais. Ouais. Eh oui, donc, de telle manière, j'ai construit le livre, ce livre-là, et où il y a... J'ai fait aussi... un carnet d'illustrations, que c'est aussi intéressant parce que, par exemple, ici, il y a, j'ai mis, par exemple, cette insertion, la page 101. À page 101, il y a, et je l'ai retrouvé dans plusieurs journaux, dans la même truc publicitaire, il y a l'insertion publicitaire dans Le Populaire du 16 décembre 34 de Fontamara qui est annoncé comme un cri de révolte. Que c'est quand même déjà un langage qui deviendra bientôt très camusien. Et d'ailleurs et ça, ce que je cherche d'analyser là-dedans, c'est aussi que la révolte des paysans d'Abruz de Fontamara est aussi à mettre en liaison avec la révolte des mineurs d'Asturie. Parce que, et c'est ce que je cherche de faire dans le livre, parce que là aussi, il y a des choses, une chose qui dit Job dans la Recension, qui est reprise dans le texte de la pièce, c'est-à-dire sous l'arriéré, comment sont arriérés dans les montagnes. Le même concept expliqué par Job est présent aussi dans la révolte des Asturies. Et ouais, deux régions montagnardes qui ont beaucoup en commun. Et parce que donc, les Cafoni d'Abruz ont vraiment beaucoup, beaucoup en commun avec les montagnards des Asturies. La culture paysanne d'ailleurs est quasiment universelle et donc là j'ai trouvé ces trucs là, ces choses là, comme je vous dis, Job, il peut parler d'Italie, il peut parler de Portugal, mais il renvoie toujours à l'Espagne comme si il y a son berceau. Et Pascal. Bravo, Pascal, j'ai encore... Oui, Pascal, c'est... Parce que faisons Quand je suis allé aux traces de Tchestov, un essai qui était fondamental pour Camus, c'est marqué dans toutes ses biographies. Donc en 1933, il découvre Tchestov, il lit ses essais, et à page, la même page, elles sont. Et il y a par exemple La nuit de Gethsemane, qui est comme justement M. Meunier, La nuit de Gethsemane, c'est un livre fondamental pour Camus, et c'est un essai sur la philosophie de Pascal. Mais si vous allez lire La nuit de Gethsemane, vous trouverez longuement Job aussi. Et donc, il y a certainement, cherchant de suivre les rencontres que Camus a fait avec Job, on peut dire que certainement, avec sa maladie en 1930, il a été, poussé à lire Job, le livre de Job, parce qu'il était certes conseillé à tout le monde malade, et aussi son professeur Jean Cagnier. Puis il a rencontré Job chez Gide dans l'Immoraliste, puis il a rencontré Job chez Tchestov, chez Pascal, et bon, finalement, donc je pense que quand même, donc Job a eu une importance clé dans la pensée de Camus, dans la formation de la pensée de Camus, et c'est ça que je vais soutenir dans la suite de mes travaux. D'accord, merci. Parce que la recherche que j'ai menée, je l'ai conduite, comme je vous dis, j'ai découvert la première chanson de Fontamara à peu près à Noël 2020. Et il y avait le Covid, on était confinés, j'avais droit juste d'aller à l'école, enseigner, retourner à la maison, rester à la maison. Donc j'ai travaillé, j'écrivais tout le temps. Et donc, oui, j'ai commencé à le harceler avec. Il n'en pouvait plus à un moment donné. Et qu'est-ce que je voulais dire que... Du Vatican. Là, du Vatican, oui, parce qu'alors, faisons les recherches sur Job et tout, avec ma grande surprise, j'ai découvert que Camus était souvent accosté à Job. Rien sachant de ces trucs d'âgés étudiants et de pseudonymes, plein de chercheurs et des académiques ont travaillé sur Camus et Job. D'accord. Et oui, parce que donc on avait déjà remarqué que, mais dans La Peste, plusieurs parties, on pourrait lire des renvois à Job, mais à droite à gauche. Et donc j'ai cherché de systématiser ce genre de connaissances. Et dans la. Donc, il y a. Suivant le bilinguisme, parce que donc il y a une recherche francophone et une recherche italophone. Dans la branche de la recherche italophone, j'ai trouvé que. Il y avait justement un cardinal vivant, très bien, d'ailleurs, un monsieur très gauche, pour être cardinal. Il est très ouvert et tout, il a beaucoup travaillé sur Camus et Job. Et alors j'ai trouvé un article justement qui s'appelait sur Camus à la recherche de. Et si vous voulez, je vous lis la citation qui est justement au départ, parce que ça m'a donné cet article comme d'autres, la certitude d'être sur la bonne voie. Hein? Donc, à page 27, je vous lis. Ma rencontre directe avec Camus, au-delà de mes lectures de jeunesse, advint de façon surprenante dans le champ académique, de l'exégèse biblique à laquelle je m'étais alors dédié. En fait, j'étais en train de préparer un commentaire de l'un des chefs-d'œuvre absolus de Sainte Écriture et même de la littérature mondiale, le livre de Job. C'est à cette occasion que je me suis mis en confrontation, les interrogations déchirantes du célèbre personnage biblique avec les recherches tourmentées qui parcourut l'un des textes les plus connus et lus de l'écrivain de l'Algérienne Mondovi, La Peste. D'ailleurs, il avait affirmé, Job, que toute la terre et donc toute l'histoire sont dessinées d'une façon telle que les visages de l'homme se soulèvent et les regards, l'esprit et le cœur de l'homme lancent une interrogation et cherchent une réponse. Cetars interrogandi, en latin, sur les questions ultimes et fondamentales de l'être et de l'exister, traversent toutes les pages de Camus. En bref, selon les recherches de Cardinal, l'ars interrogandi, c'est-à-dire l'art d'interroger, qui était propre à Job, est propre aussi à Camus. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui était plus profond que non, les cinq recensions de jeunesse. Et donc, disons qu'à partir de là, tous les chemins s'est relancé et voilà. Et m'a porté d'abord à publier ça, qui était, comme je vous l'ai dit, une première, pamphlet, pour dire, écoutez, selon moi, Job et Camus, mais là, maintenant, on n'est plus dans quelque chose de costaud et systématique, ou dans l'analyse. Écoutez, c'est une folie juridique. Oui, il faut que... Parce que je me perds, j'ai la tendance à me perdre. Oui, donc, le cardinal, j'ai trouvé cet article du cardinal, et alors, avec la simplicité qui est parfois pour moi la meilleure des formes d'expression, j'ai dit cardinal Gianfranco Ravasi. Bon, je sais, parce qu'il est connu en Italie, il écrit dans deux quotidiens, pas mauvais non plus. Et alors, je dis comment est-ce que je peux arriver? Et je regarde sur internet et je vois qu'il est l'équivalent du ministre de la Culture du Vatican. Et alors là, dans les sites, je vois qu'il y avait une adresse mail de l'ensemble info@vatican, ou bien un numéro de téléphone, qui n'était pas, bien sûr, direct à lui, mais un numéro de secrétariat. On était en lockdown. Je dis, ok, quand même, j'appelle au Vatican. J'ai appelé au Vatican et il m'a répondu, le secrétaire, très gentil, mais vraiment extrêmement gentil. Il m'a dit, oui, alors j'ai compté Camus et Job. Ah, Camus et Job, il va être content. Et il m'a donné l'adresse mail personnelle. Et donc, je lui ai écrit, il m'a répondu. Et là, on a commencé, pas un approfondi échange, mais il m'a soutenu il m'a dit, selon moi, tu es dans le bon chemin, et tiens-moi au courant. Donc, je l'ai tenu au courant. Maintenant, je lui ai envoyé ça à l'époque, et il a bien aimé. Donc, maintenant, il a quand même un certain âge. Donc, il n'est pas quelqu'un qui est... On ne peut pas la voir. On va se faire lâcher. Surtout par certains adars pas très tolérants qui... Ouais, en fait, d'ailleurs s'il vient du Vatican, ministre du Vatican, non, mais d'ailleurs je pense qu'il a, en gros, quelqu'un s'y regarde, moi-même dans les sites, ça revient de suite que je suis un anarchiste libertaire, donc ouais. Il était très sympa, mais il m'a pas vraiment ouvert. Et donc, c'est ton livre est paru en italien avant de... Non, il n'est pas paru. Il n'y a que la version française. Il n'y a que la version française. Donc, le cardinal a eu la version française. Ouais. Il se débrouille avec... Il se débrouille, en fait. C'est peut-être pour ça qu'il était... Il a dit oui, il a pas bien, tout bien, mais... ils sont polyglottes. Ils ont des traducteurs. Ils ont des traducteurs, oui. Ouais. Mais voilà, c'était vraiment une belle... Enfin, c'est pour un petit livre comme ça, moi, je... Ouais, le titre m'a un peu surpris. Mm-hmm. J'avais un peu des réticences. Souffrant et fumeur, c'est quoi cette histoire? Et puis après, je commence à le lire et c'est l'enquête, c'est marrant. Quoi. Bah, écoute, c'est marrant, c'est intéressant et plein de... Et toutes les pistes que tu as données, bon, c'est pas parce que vous avez tout raconté qu'il faut pas l'acheter, le livre. Ouais, en plus, ça fera plaisir à l'éditeur, en plus. Non, mais en plus, il y a... Il s'est cassé le cul à publier un truc aussi pointu. C'est... On a beaucoup hésité. Parce qu'il m'a cassé les escatolés, là. Un certain temps, en me disant, mais je veux que tu sois pas maman. Ben oui. Voilà. Là, tu permets? Oui. Je vais faire une... il a dit qu'on s'était rencontré. Bon, mais en fait, c'est lui qui m'a rencontré au départ. C'est pas moi qui m'a rencontré. Et c'est moi qui m'en suis rendu compte. Parce que... Je bossais, moi, sur le comité français pour la Fédération européenne, et j'avais vu qu'il y avait une association de lourds-marins qui avait publié un bouquin sur Camus et l'Europe. Bon, je me dis, je vais aller à Lourds-marins, c'est bien le diable si je ne trouve pas Camus et l'Europe. Je trouve Camus et l'Europe, j'ouvre, et dans la table des matières, je trouve pire, je dis, je trouve Alexandre Brézelin, ah bon, qui c'est ce mec, le fédéralisme européen chez Camus, une idée qui revient de loin. Je dis, nom de Dieu, mais il bosse le même, ce mec m'intéresse. Je lis, premier mot, Jean-Francis Billon, et je l'avais cité sans le connaître. Jean-Francis Billon, dans une note de l'Union européenne des Fédérations France sur l'abbé Pierre, écrit que blablabla, blablabla, blablabla, et d'ailleurs, blablabla, j'ai repris ce blablabla. Alors, je suis allé voir une des nénettes qui sont à... Comment s'appelle nous, la nouvelle présidente? Non, c'est pas la fille que... À Lourds-marins. Oui, c'est la fille de Catherine. Non, non. Okay. Avant toi, comme présidente. André Fossi. Voilà. Oui, je rencontre André Fossi à Lourds-marins et elle me donne tes coordonnées, etc. Donc j'ai acheté le bouquin et puis j'ai dû t'appeler et puis elle m'a donné le numéro de téléphone d'Alexandre, on s'est appelé, etc. Ben, et on s'est connu. Oui, et on s'est connu. On s'est rencontré à la gare de Rome, non? De Milan. De Milan. Et c'est là que je lui ai dit, mais non, rajoute. Ce bouquin, c'est pas le bouquin italien, hein, parce qu'il y a 40 pages de plus. Hein. Non, il y a un tiers. Un tiers en plus. Et heureusement, parce que c'est plus clair en plus. Mm-hmm. Là aussi, c'était bien. Alors, moi, tu sais, l'édition m'a toujours intéressé. D'ailleurs, en 1975, quand Bernard Lesfargue, qui était... président à Lyon de lutte occitane, c'était le mouvement occitan sorti de 68, et il était aussi président du mouvement fédéraliste européen. Bon, c'était un copain, il me dit, je vais monter une maison d'édition, et ben, on est parti à trois, Bernard, je suis en train de faire sa bio, son beau-frère Pierre-Gilles Flaxu, qui était un jeune fédéraliste, mais qui était passé la partie Mao du PSU, parce qu'il paraît qu'il y avait une partie Mao du PSU. Bon, voilà. Il tenait la librairie qu'on avait créée en 69, et en 75, donc, on crée les éditions Fédérope. Mm-hmm. Bon, donc, moi, ça m'avait toujours intéressé, l'édition. Donc, quand Fédérope n'a plus voulu publier de textes politiques, nous avons racheté Minorité Nationale et texte fédéraliste. Mais Fédérope avait fait énormément de littérature. Mais nous, ben, on a des, a priori, on n'avait pas envie de faire des textes littéraires. Donc il a fallu que je trouve une raison. Et je lui ai dit, on va l'appeler comment, cette collection qui est tellement étrangère à ce qu'on a l'habitude de faire. Alors, on l'a appelé hors collection. D'ailleurs, alors on a eu plusieurs coups de fil de la BNF, du dépôt légal, disant « vous n'avez pas le droit, on ne peut pas faire ça ». On a dit « on ne peut pas faire ça ». On fait hors collection, voilà. Et j'ai repris la phrase que tu avais citée dans ton article pour expliquer un peu à nos lecteurs habituels pourquoi on s'embarquait dans ce machin. Et la phrase, je trouve qu'elle est quand même intéressante. La phrase, c'est Mario Albertini, à un moment, avait écrit cette phrase. C'était un de nos gourous. Non, gourou, c'est pas bien. Maître à penser. Maître à penser. Le fédéralisme a déjà une longue histoire et une longue tradition culturelle. Mais cette tradition est largement méconnue, car elle ne s'insère pas dans le cadre conceptuel de la culture dominante, basée sur l'acceptation inconsciente de la souveraineté nationale et donc de la guerre comme des traits auxquels la réalité historique ne peut échapper. C'est pourquoi quelques auteurs fédéralistes ont été oubliés, tandis que d'autres ne sont connus que pour la part de leurs travaux qui n'a rien à voir avec le fédéralisme. J'ai dit cette fois. Bon, et ben on va faire une collection où on publiera des textes fédéralistes, non, des textes littéraires d'auteurs fédéralistes. Alors, Louise Weil, la philosophe, Romain Rolland, Einstein, ça a commencé avec Camus. Ouais. Voilà. Et c'était la phrase que tu avais citée. Et en fait, d'ailleurs, la même idée que... L'abbé Pierre, qui a été un militant fédéraliste dans la Résistance, et toute sa vie, il a soutenu Gary Davis, etc., l'abbé Pierre était un militant fédéraliste. Il a milité et été encarté dans les milieux fédéralistes européens et mondiaux toute sa vie. Et donc, moi, j'avais repris cette phrase. Tu avais dit, tiens, cette phrase m'intéresse. Ah ben oui. C'était quand même marrant. Ben, ouais. C'est alors, comme ça qu'il m'a susurré à l'oreille qu'il y aurait peut-être un nouveau volume. Ben oui, c'est ce qu'on a compris. Voilà. Je ne pense pas que tu vas t'arrêter là. Comme je vous ai, alors. Et nous non. Non, comme je vous ai déjà dit, j'ai poursuivi la recherche et certaines choses, je vous ai déjà annoncé des choses qui ne sont pas là. Par exemple, d'abord ici, c'est comme je dis, je répète, un pamphlet. Là, c'est un livre bien structuré où j'ai monté une première partie où il y a tout ce qui concerne Job, Camus et le pseudonyme de Job. Et c'est une chose bien fixée. Puis, il y a une deuxième partie qui concerne tout ce qui est les Job dans la pensée de Camus et dans les auteurs importants pour Camus. Donc, disons que... la deuxième partie, à la fois, divisée en deux, les auteurs importants pour Camus et les auteurs importants pour Camus et Job, donc Dostoïevski, Kierkegaard, et puis la deuxième partie est Job dans les œuvres de Camus, donc les mémoires, les mythes décisifs, l'homme, la peste, etc. Okay. Bien. Est-ce que vous avez des questions? Enfin, moi, j'ai été très surpris, agréablement surpris, qu'il parle de Claude Maquet, parce que c'est un auteur que je ne connaissais pas du tout. Et là, on en a parlé il y a 2 ou 3 ans. Il y a un éditeur marseillais qui a publié Romance à une Marseille, ou Romance à Marseille. Et donc, à partir de ce bouquin-là, j'ai eu envie de savoir qui c'est. Et j'ai lu les 3 ou 4 bouquins qui étaient disponibles. Et là, tu as parlé de... je ne sais plus sous quel titre. Donc, ça a été réédité... avec le titre... Retour à Harlem, qui est plus proche du titre anglais. Ouais. Et alors, c'est une nouvelle traduction. Et c'est marrant parce que c'est 2 traducteurs. Et le deuxième s'appelle Romain Guillou sans X. Mais bon, ça c'est excellent. Donc ceux qui connaissent pas Maquet, alors moi j'ai adoré Romance in Marseille, j'ai retrouvé Banjo qui avait été publié par Seuil il y a quand même 10 ou 15 ans, même il y a un moment. Donc ça existait. Mais j'ai l'impression que Claude McKell n'était connu que par un petit cercle. Enfin, c'était un auteur culte, comme oui. certaines personnes. Mais, et là, ils viennent de rééditer aussi ses mémoires politiques. Parce ouais, que ouais. il était proche. Bon, après, il était proche du Parti communiste, mais quand on lit ses bouquins, c'est très libertaire. Hein, tout à fait. La vie à Marseille entre les deux guerres. Alors c'est très intéressant parce que ça mélange. Les Noirs américains, les Noirs d'Afrique et les Antillais. Et tout ce monde-là vivait au panier, un quartier qui est détruit, qui a été détruit, vous savez comment, là, par les nazis. Et c'est de la vie dans ces quartiers, donc c'est bon, ça picole beaucoup. Quelle année, c'est entre les deux guerres. Et il y a des scènes hallucinantes où il y avait tout. C'était le port là, donc il y avait les entrepôts avec le vin qu'elle avait. Et ils mettaient des tuyaux dans les tonneaux, ils buvaient le vin comme ça. Enfin, c'est Romance in Marseille. Romance in Marseille. Et c'est l'éditeur s'appelle. On le retrouvera là. C'est, donc Romance in Marseille, c'est celui que je conseille en premier. Ça se passe vraiment à Harlem. Donc c'est l'auteur qui a vécu en Europe et qui retourne à Harlem. Et donc c'est les milieux, les Noirs engagés, la musique, il y a tout là-dedans. Quoi. Ouais. Mais Romancier de Marseille, la vie à Marseille, c'est fabuleux. Et Banjo, c'est un peu pareil. Alors Banjo, c'est une version plus longue, je dirais. Et alors là, il y a vraiment les scènes de beuverie dans les bars, les prostituées. Enfin, oui, il y a beaucoup de sexe aussi. Voilà, c'est très donc, oui, et ça aussi, c'est intéressant. Parce que je me relis à ce que tu dis. Parce que donc, Jorbe a justement traduit ce livre-là. Il a recensé Retour à Harlem, ouais, ouais. traduit par Louis Guillot. Ouais, ouais, ouais. Et la chose intéressante à dire sur ce livre-là est justement que. On est à la recherche de comprendre les jeunes Camus. Qu'est-ce qu'il aurait pu trouver dans ce livre-là ouais. Et justement, si tu lis ce livre, Jackie, le protagoniste, eh bien, ça semble la version noire de Camus. Mm-hmm. C'est un beau garçon qui a un très grand succès avec les femmes, que même il a un rapport ambigu avec les femmes, les mêmes qu'il y avait Camus, et que puis, quand même, il veut s'en sortir et vivre de sa vie, de son travail. Ouais. C'est justement un apprentissage que Camus suit, d'ailleurs. Vas-y. Non, on a la chance d'avoir Jean-Louis. Oui. Alors, sachez qu'on a un projet également de livre sur Camus avec Jean-Louis. Un projet qui paraîtra ou qui ne paraîtra pas, parce que tu as mis une condition. Et qui pourrait paraître alors à l'automne. C'est-à-dire une analyse critique des lettres, enfin une analyse des lettres à un ami allemand. Qui pour nous est un. Quand Alessandro était venu, tu nous en avais parlé. Oui. En oui. introduction, en conclusion, je ne sais plus oui. comment. Il a continué lui aussi à piocher depuis 5 ans. Alors si vous acceptez, il peut vous en dire quelques mots. Rapidement, oui. Je voudrais dire quand même à propos du livre d'Alessandro que ce qui est intéressant, notamment dans ce livre, c'est que Alessandro est un de ceux qui montrent que le mémoire de Camus sur Potenza-Mussac, on a longtemps considéré. Comme un seul travail universitaire, un peu une œuvre un peu mineure avec Camus. En définitive, depuis quelques années, et là, Alessandro nous a mis les pieds aussi dans le plat, c'est une œuvre importante, plus importante qu'on ne le croit, même si c'est parfois un travail un peu de compilation, peu importe, il y avait Grenier, il y avait un certain nombre de personnes universitaires à l'époque, c'est quand même un texte important. Et ça a été. Ça m'a adoré, on a déjà commencé, mais tu as continué, toi aussi. Et donc, il faut relire certains textes de Camus. En plus, dans les recensions que tu as faites, il y a aussi l'article du Louis en 32 sur enfin, la mort de Jean Rictus sur le vocabulaire. Ah. On retrouve aussi tout ça. Oui. Aussi, Rictus qui finira mal, certes, oui, oui, bon, mais il finira pas du bon côté. Hein. Mais, bon, il y a tellement qui finit du mauvais côté actuellement aussi, d'ailleurs, pourquoi pas. Hein. Mais bon. Donc il y a tout ça, le mémoire, ça c'est important aussi. Ouais. Il y a des autres pseudonymes, bon évidemment, on va forcément Alessandro va continuer, parce qu'il semble que dans ce AG étudiant, certains nombres de pseudonymes, il y en a 15 ou 16 à peu près. Il y en a au moins deux sont suspects, voilà. Selon moi. Voilà, il y en a quelques-uns qui sont Camus, parce que Camus abondait dans le. Dans le journal. Donc il y en a certainement plus que Job qui est important dans. Et puis, si je dois juste mettre un saut dans. Alors, pour conclure, comme on, dans tout ce qu'on vient de dire sur l'existentialisme, sur Job et tout ça, pour conclure, je pourrais dire que Job, fondamental chez Chesterton et les philosophes de l'existentialisme chrétien, on peut le définir tranquillement comme un pseudonyme existentialiste. Vu l'importance de la figure du Job biblique chez les existentialistes chrétiens, le choix du pseudonyme Job à un moment où Camus est foudroyé par l'existentialisme, est bien un pseudonyme existentialiste. D'accord. Et puis certainement Camus sur les numéros d'un rue française, d'un de la rue française de l'époque, dans laquelle collaborait quand même Grenier, Unamuno. Oui, les mêmes Chesterton. Chose que je ne vous ai pas dit, parce que ce sera dans la prochaine, mais bon, peu importe. Et la chose que pour moi, là, donc, qui m'a fait dire à moi-même, bon, alors c'est nécessaire de faire une deuxième publication, qui même si c'est le double, sera le double. Parce que. Quand poursuivons la recherche après la sortie de ça, j'ai trouvé un tas de choses fondamentales, entre autres la Nouvelle Revue Française. Un mois après, donc la Nouvelle Revue Française était la revue aussi de référence de Jean Grenier, toujours. Même Jean Paulin, l'anthropologue, voulait faire de Jean Grenier la référence philosophique de la Nouvelle Revue Française. Donc, quand on publiait de la philosophie chez la Nouvelle Revue Française, la vie de Jean Grenier était d'office. Et donc, en mai 35, donc tout juste un mois après la dernière recension de Job, comme cerise sous le gâteau, parce qu'elle est sortie un mois avant, mais chez Chesterton, on parle de même chose dans les essais que Camus a déjà étudiés. Mais pour trancher, en mai, le 1er mai 1935, la revue française publie un texte de Léon Chesterton qui s'appelle rien de moins que Job ou Hegel, point de question. Et là, je me suis dit, ben, tombola. C'est-à-dire, on a besoin de rien d'autre pour démontrer que. Cioè, parce que Job et ou Hegel est une question qui retourne chez Camus. Parce que Camus n'a jamais accepté l'hégélisme, cioè lui il était plutôt donc, l'autre tradition philosophique. Donc à la question Job ou Hegel, Camus, cette question on la retrouvera en 58 dans les carnets, et je m'arrête là. D'accord, alors moi avant qu'on passe, après on va aller voir un coup. Je sais que tu as traduit Panaïti Strati, un auteur aussi un de mes auteurs cultes. Est-ce que tu as une idée si Camus avait lu Istrati? Alors, l'idée, je l'ai. Selon moi, vu la. Moi, je pense qu'il le connaissait à niveau. Bien, certes, qu'on ne peut pas dire oui, il a lu. Mais certainement, il savait qui c'est. Et pourquoi? Parce que pour faire ce travail-là, j'ai lu justement les revues de référence de Camus. Par exemple, Europe. Ouais. Europe était une revue absolue pour Camus. D'accord. Et Europe publiait Panaïti Strati au même moment. Ouais. Au même moment. Ok. C'est, bon. C'est dans les revues qu'il faut voir. Ouais. Et puis, je termine avec le livre d'Alessandre. C'est quand même aussi. Quelque chose d'important, c'est de imputer à l'œuvre de Camus cinq textes. Ça a donc une incidence à la fois chez, disons, Gallimard et ailleurs. Il ne faut pas oublier que ça. Ils ne répondent pas. Non. Ils répondent pas. Mais, à mon avis, ils ne répondront pas pour la bonne raison qu'il n'y a pas de manuscrit, évidemment, de choses, et que dire non, il faudrait qu'ils argumentent. Or, évidemment, on a un certain nombre de Camusiens à avoir un peu battu leur appel. Et à avoir enfoncé le clou, de façon que la démonstration d'Alessandre, il faudra avoir la contre-démonstration derrière ça. Donc, la réponse, elle est soit le tiroir caisse, la manette, mais ça, chez Gallimard, ils savent très bien la faire, soit démontrer le contraire. Et le contraire est pratiquement indémontable. On va parler assez souvent avec Agnès Pucker, avec les copains canadiens, c'est très difficile. C'est très difficile. Donc, c'est pas uniquement pour braver qui que ce soit, mais c'est pour dire que la bande de Camus, elle n'est pas complète encore. Elle est pas assurée. Il y a encore pas mal de choses qui sortent. Bon, l'actuel 4 va sortir certainement dans quelques temps. Qui ça ? Actuel 4 va sortir dans quelques temps. C'est pas tout ce qu'il y a là-dedans, mais voilà. Mais c'est quand même aussi un élément d'importance qu'a fait Alessandre. De dire l'œuvre de Camus, j'apporte 5 textes, c'est même court, peu importe. Oui, d'ailleurs, on parle d'une Camus de 22 ans, ouais. Qui n'avait pas. C'était en train de forger et d'apprendre. Par exemple, là, on est face à 5 recensions littéraires. Ouais. Et un genre avec lequel Camus ne s'était pas encore mesuré. Il avait fait un texte sur les poésies de son ami Claude Franville. Mais pas d'autres. Donc, disons que c'est les premières. Après des petits essais, à 22 ans, sont vraiment. C'est les premiers textes critiques sur la littérature. Mais il avait quand même fait des recensions de concerts de Mozart, par exemple. Oui, oui, oui. Il avait quand même écrit un texte sur Bergson. Il avait fait la recension d'un livre sur Bergson. Oui, mais je veux dire, à niveau des. Au fond, monsieur Bergson, on attendait mieux que vous. Mieux de vous. Mieux de vous. Voilà. C'est pas mal. Oui. En tout cas, je veux dire, ce qui fera, comment dire, écrire les recensions sur les livres récents, en sortie, ça, c'est la première fois qu'il le fait. Il le fera dans AG Républicain, avec les salons de lecture, qui est son. Là, il le fera systématiquement. Mais bon, donc on est vraiment face à un Camus plutôt cru qui est en train de se forger et donc ça peint une petite fresque du jeune Camus et de ses intérêts qui va de l'antifascisme à la réflexion sur les pouvoirs qui peut être dans l'époque romaine ou dans l'époque contemporaine avec Salazar. Et puis il y a le troisième numéro de Alger étudiant où il y a Les Flammeurs d'Hommes et Quartier Noir, donc, où on parle de culture noire. Afrique, culture noire. Et par exemple, dans les recensions sur Claude Mecquet, il cite aussi Batoila de René Marin. Pour dire, c'est quasiment quelque chose pour montrer un intérêt. Pour dire, la littérature noire existe, elle est là. Tu disais que c'était pour une sorte d'élite. C'était un monde un peu. Le racisme, il y a aussi encore aujourd'hui, figurant à l'époque. Donc, rien que dire waouh, j'ai lu Claude Mecquet et j'aime la littérature noire. Beaucoup de monde ne croyait même pas que les Noirs pouvaient penser ou écrire. Carl Gustav Jung, aux années 30, a dit j'ai découvert que les Noirs rêvent comme nous. Ça, c'était au début du XXe siècle. Donc, on était encore au premier pas de l'antiracisme. Et démontrer, parler d'une littérature noire était déjà en soi un engagement. Ouais, tout à fait. Là, ouais. C'était un succès considérable. Mes parents qui étaient Batoula, c'était un livre de référence. C'était quelque chose de très, très, très sérieux. Mais bon, on n'a pas la même vue, évidemment, forcément, sur tout ça. Ouais. Donc, de ce côté-là, et puis c'est en 35 que Camus commence à s'écarner quand même. Voilà. Parce que les choses, c'est un petit livre, et plus qu'on en parle, plus il y a raison. Dans les carnets, on peut, en lisant bien les carnets, on peut rétrospectivement voir un certain nombre de choses que Camus écrit en 37, 36, même en 44 ou 54, qui font référence à tout un tas de choses depuis que les carnets sont cités, dont tout le monde a étudié. On s'aperçoit que les carnets sont non seulement un laboratoire, une œuvre en soi, mais aussi le résultat des quantités de lectures qu'il a faites. Donc les carnets sont très importants. On les connaît depuis les années 60, après avoir été. C'est ça qui est important. Pardon, aussi, les 35, c'est le moment où il rédige ses armes. Quand tu parlais du voyage en Italie, il va 4 fois en Italie, dans l'un des troisième voyage en Italie, il a un long développement sur le philosophe espagnol Ortega y Gasset, qui était fondamental pour lui aussi. La réflexion, elle est sur l'Europe. Or, Ortega y Gasset, en 11, a donné des cours sur l'Europe. Donc, c'est quelqu'un, là aussi, des choses qu'il faut redécouvrir. Et Ortega y Gasset, il collaborait à la nouvelle française aussi. Donc, toutes ces choses-là, c'est à la fois la biographie et la mise en place de lecture de textes, de lettres, etc. Quand on regarde les correspondances avec... qu'elles sont publiées, en tout cas, jusqu'à présent, oui. On s'aperçoit qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'on ne maîtrise encore absolument pas. Ouais. C'est traduit en italien, non? Oui, c'est traduit récemment, mais c'est traduit très bien. Non, mais puis une chose qui m'a fait penser à Jean-Louis, c'est que en fait, parce que les choses se ressortent constamment, une chose qu'il faut souligner, c'est donc qu'à 20, 22 ans, on est un laboratoire vivant d'écriture. Donc Camus voulait écrire et essayer d'écrire sur toutes les formes. Et comme sous la guide de son maître Grenier, bien sûr, et aussi, Camus, donc, une chose à remarquer est que il commence les carnets en mai 35, tout juste quand il arrête d'écrire dans J'ai étudiant. Ça aussi, c'est intéressant à remarquer parce qu'on passe du moment où, pour essayer de se mettre à l'épreuve, tu essayes dans les revues étudiantes, mais à un moment donné, tu dis non, mes réflexions, je commence à les mettre en. Et donc, c'est aussi un passage d'existentiel, si on veut. C'est un tournant de la vie. Il s'approche à la mémoire, il n'est plus un garçon, donc il commence à être plus sûr de lui, donc ce n'est pas aussi fondamental de publier dans la revue étudiante. Mm-hmm. C'est plutôt de mettre structuré sa pensée. Et tout le travail sur Job a permis de dire ce que tu as dit aussi, il n'était pas athée et agnostique. Il faut bien faire la différence. Hein, quand il avait écrit Pascal, le seul qui m'émeut, je ne le convainc pas. Et la conférence qui est en 47 au Pont des Bernardins à Paris, il a vu une quête spirituelle et pas une quête religieuse. Ouais. Quand on lit le premier homme, au fond, l'épisode où il raconte comment il fait sa première communion, on voit bien qu'il n'a pas quand même un intérêt fondamental pour la première communion. Mais c'est une tradition de la famille espagnole, c'est une tradition de faire la communion. Donc, là aussi, c'est intéressant de voir comment il s'approche de la religion, même rétrospectivement, et en mettant en plus sous la forme romancée, c'est-à-dire d'un personnage qui en dit beaucoup plus que ce qu'il en dit ailleurs. La religion, si on veut, je peux dire, cioè, selon moi, parce qu'on fait toujours... Et il y a un écart, et en fait, on retourne sur Silone un moment. Parce que, bien sûr, Silone était aimé se définir chrétien sans église, socialiste sans parti. Et donc, dans le travail que je suis en train de faire maintenant, qui concerne Silone, mais si on pense que Camus avait une vénération pour Silone, on ne peut pas penser que Camus était athéiste, antichrétien, s'il était un ami intime de Silone, qui était... c'est inconcevable. Donc, comment dire... qui n'était pas du tout bigot, sinon, par contre, au contraire. Mais ce que je voulais dire, c'est justement qu'il y a eu une interéchange entre, un échange entre les deux. Et selon, donc, le thème central pour les deux était comment sortir du nihilisme contemporain. Parce que, donc, Camus l'avait entrevu et l'avait expliqué dans L'étranger et tout ça, le nihilisme, le sens de la vie, il n'y a pas de sens dans la vie et tout machin. Silone était obsédé aussi par la même bataille contre le nihilisme. Et ses conclusions d'après la guerre étaient que pour sortir du nihilisme, il faut se donner un fond spirituel commun dans la société, avec de certaines valeurs bases. Donc c'est quelque chose qui, selon lui, allait au-delà de la religion. Et donc selon Silone, et c'est quelque chose que puis Camus l'a absorbé, il l'a fait sien. Il y a des valeurs qui rendent du sens à la vie. Et nous, on doit... Donc c'est pour ça, le combat pour Silone dans l'après-guerre n'était plus politique, était anthropologique, entre deux façons de voir la vie, entre une vie vue comme bureaucratie, ordre, dans un système clos et tranglant, ou un système de vie ouvert, où l'amitié règne, où il y a deux, trois valeurs bases qui unissent les hommes, mais des valeurs profondes et peut-être ancestrales. Et dans ce sens-là, Camus, si l'on est renvoyé à la religion, mais une religion qui n'était pas, qui n'est pas celle qu'on entend, c'est plutôt une vision spirituelle, qui puis a des sources, bien sûr, mais qui n'a rien à voir avec le, aller à l'église ou non. Et c'est en 1937 que Camus entre au Parti communiste, sur l'instigation de Jean Grenier d'ailleurs, ouais. Et qu'il en sortira en 1937. André Breton, c'est exactement la même époque. Il rentre en 1935, il sort en 1937, et après il va s'interroger sur toutes ces questions des religions au Mexique, etc. C'est-à-dire qu'il y a tout un cheminement aussi là derrière qui fait qu'on sort d'une religion pour aller vers une spiritualité. Oui, c'était comment dire, la réponse au nihilisme. Le nihilisme, qu'est-ce que c'est? Rien n'a une valeur. Il n'existe pas de valeur. Tout est relatif, donc il n'y a pas une valeur pour laquelle vaut la peine combattre. Silone et aussi Camus dit non. Il y a des valeurs qui redonnent un sens à la vie. Et il faut les comprendre et y travailler. Et Strati aussi. Camus travaillait, lisait Nietzsche dans la traduction qui a été faite par Henri Albert en Mercure de France, qui était l'introducteur de la pensée nietzschéenne en France, le grand introducteur de la pensée nietzschéenne, d'après l'édition du Mercure de France. Et donc, si on travaille sur le nietzschéisme de Camus, ce qui avait été fait aux rencontres notamment, c'est pas avec les traductions actuelles qu'il faut travailler, c'est sur celles de. Et on sait qu'il y a une édition des œuvres de Nietzsche dans la bibliothèque de Camus, dans lesquelles il y a des notations de Camus en marque. Mais pour l'instant, on ne les connaît pas. Donc on peut se poser quand même un certain nombre de questions. Et Nietzsche avait une pensée religieuse lui aussi. D'ailleurs, Nietzsche était, c'est pas un philosophe, au départ c'était un prof de grec. Et Nietzsche était un philologue. Mais enseigné pas le grec qu'on a appris, et nous on a pu apprendre au lycée, il enseignait le grec ancien. D'ailleurs celui qui était fortement marqué par une religion. Donc toute l'œuvre de Nietzsche est marquée aussi par ce grec ancien qu'il enseignait. Et donc, petit à petit, toutes ces choses-là permettent de, pas seulement pour Camus, mais pour d'autres aussi, même pour Sartre, certainement, ce sera la même chose, de réécrire, ou en tout cas de préciser une histoire littéraire qui nous a appris des choses un peu difficiles, un peu faciles, en tout cas, en dehors de la réalité. Ouais. Ok. Voilà. Bon, ben, encore merci. Ben, avec plaisir. Et on continue la discussion dans la pièce à côté. Ouais. Et n'oubliez pas de partir avec vos petits livres.